une histoire particulière. Hérouville, commune du Val d'Oise, où nous étions hier pour le premier épisode de notre histoire du week-end. Avec Philippe Roisès et Lionel Quentin, nous avons poussé les grilles du château et pénétré dans la propriété. Nous sommes dans les années 70. Michel Magne, le compositeur de musique de film, parmi lesquels les Tontons Flingueurs ou Mélodie en sous-sol, y fait installer un studio d'enregistrement et invente le studio résidentiel, mettant à disposition chambres d'hôtes, restauration et un vaste parc. La crème de la variété française, du rock et de la pop anglaise enregistre au château. Michel Polnareff, Eddie Mitchell, Nino Ferrer, Nicoletta, Elton John, David Bowie, Pink Floyd. Jusqu'à ce que ce soit l'heure de notre second épisode, vous avez de la chance, car c'est maintenant. Les folles années du château d'Hérouville. Un documentaire de Philippe Roisès. Seconde partie, plus dure sera la chute. Emily tries, but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. Après deux ans d'activité, la société de Michel Magne, qui gère le studio d'enregistrement du château d'Hérouville, est endettée. L'activité débordante et l'esprit festif ont peu à peu raison de la créativité musicale de Magne. Avec sa femme Marie-Claude, il part vivre dans le sud de la France, où il explore la peinture, la sculpture et le tressage de bandes magnétiques. Une nouvelle ère s'ouvre pour le château. Michel aurait été encore à côté de moi actuellement s'il avait pris un comptable. Serge Moreau, ami de Michel Magne. Un homme sérieux et honnête, qui soit là au château tous les jours et qui surveille et qui lui dise « Michel, t'as trop dépensé cette semaine. Deux fêtes dans le mois, ça suffit. Michel, faut pas acheter ça. » Mais il n'écoutait pas. La gestion et Michel Magne, c'est deux choses totalement différentes. Oui, en fait, la gestion était beaucoup plus faite par un secrétaire qui s'appelait Carbone, d'ailleurs. C'est drôle pour une secrétaire. Laurent Thibault, musicien, producteur et ingénieur du son. Par exemple, elle me disait, il part aux Bahamas, par exemple. Et puis là, il s'aperçoit qu'il a oublié quelque chose et il demande de prendre l'avion pour le rejoindre, pour lui apporter le truc et de revenir. Bon, enfin, c'est des trucs... Très vite, la société a été en problème, donc... Michel Magne, magazine de la Côte d'Azur, 1976. Je donne l'apparence d'être super doué, puis finalement, je suis minable. Je suis le plus mauvais comptable de la Terre. Si bien que je peux donner facilement l'apparence à des gens d'être un très bon homme d'affaires, de me défendre dans les affaires, d'être très doué, de manier l'argent, de manier ça, puis finalement, je suis lamentable. Vous faites avoir souvent ? Ah, tout le temps. Il suffit de me prendre par les sentiments, ou par un gentil sourire comme le vôtre. Avec moi, vous ne risquez pas grand-chose, de toute façon. Ou par une bonne bouteille, je me fais avoir facilement. Et finalement, Michel a loué le studio à Chamberlain. Or, Chamberlain, c'était le patron des tuyaux d'Avou. Donc, il passe un accord avec Chamberlain, dans lequel il lui dit, voilà, j'ai tel bilan, ça, il faut que tu payes ça, bon, ça, c'est en retard, ça, non, etc. Et Chamberlain lui promet d'autres choses aussi. Bon. Et puis, au bout de 6 mois, les deux s'aperçoivent que, en fait, les comptes de Magne sont pires que ce que il a dit à Chamberlain, mais qu'en même temps, Chamberlain, la seule idée qu'il avait, c'était de reprendre le château et puis d'en faire sa maison à lui, quoi. Et même de pomper la clientèle du château et de la passer à Davou. Et donc, au bout d'un moment, évidemment, il tombe en bisbille et un administrateur judiciaire est nommé. Je rencontre Chamberlain, on doit être en juin 74. Et là, Chamberlain me dit, alors qu'il me connaissait comme musicien, il m'a vu vaguement chez Davout et tout ça, mais il me dit, Magne, je lui tordrais le cou comme un poulet. Je me dis, sale type. Enfin, je sais pas quoi, j'ai une mauvaise impression de lui, quoi. Qui me rend Michel sympathique, Michel avec qui j'étais fâché, moi, à ce moment-là. Pourquoi? Eh bien, en même temps, il faisait des choses qu'on trouvait géniales, et en même temps, il les faisait n'importe comment. Et il organisait des grandes fêtes au château. Il y avait toujours beaucoup de belles et charmantes personnes. Et moi, mes musiciens, ils étaient tous aux fenêtres avec des yeux à la Tex Avery en disant « ouais, ouais, ouais, ouais », tout ça. Et des fois, je pouvais pas bosser. Je me disais « mais excuse-moi, je suis cuit ». Voilà. Et en plus, ça faisait du bruit en bas. On enregistrait. Donc j'ai dit à Michel « écoute, que tu fasses la fête, moi, pourquoi pas ?» Je veux dire, mais dans ce cas, tu me donnes des jours en plus, parce que on peut pas faire un disque et faire la fête. En plus, moi, je suis pas Crésus. Et quoi, comment, me fils à papa, dire ça à moi, mon père est mort avant ma naissance. Petit bourgeois, machin et tout ça. Donc, enfin bref, on s'est engueulé. Et donc, j'ai dit à Michel, ok, je finis ce disque et c'est terminé, je m'en vais. J'avais un bureau, moi, aux éditions Barclay, et je vois Magne débarquer dans mon bureau, avec Carbone, la secrétaire. Il me dit, on cherche un locataire gérant, et moi, j'ai pensé à toi. Pourquoi tu ne reprends pas le château? Je dis, mais Michel, je veux dire, j'ai 20 000 francs devant moi, hein, que j'ai gagné en jouant de la basse sur un disque, là. Quand veux-tu que je reprenne le château d'Hérouville? Il dit, mais t'en as rien à faire. De toute façon, il y a à peu près, allez, il y a 800 millions de dettes. Donc, tu signes, tu te mets ça sur le dos, mais comme t'as rien, qu'est-ce que tu risques? Je dis, t'es fou? Il dit, oui, je suis fou, mais si t'es fou aussi, ben, ça peut marcher aussi. Le jour où on signe, je reviens au château et je suis tout seul. Je vais au café du coin, je me demande une qui faisait épicerie, je prends deux, trois trucs. Je me mets dans l'ancien bureau de Michel, venait au rez-de-chaussée, et l'herbe faisait un mètre de hauteur dans le parc. Des fenêtres, les vitres étaient cassées parce que les gamins du village étaient là. Et les grenouilles chantaient à loisir dans la mare à côté. Donc, le soir tombe gentiment, et là, j'entends quelqu'un qui se met à jouer du piano. Et il y avait, dans la bergerie, là où habitait Michel, mais il était parti après la signature à Saint-Paul-de-Vence, avec Marie-Claude, il y avait un Petrov russe, donc qui était dans la maison de Michel. Et moi, j'entends ce piano qui commence à jouer des morceaux classiques très beaux et tout ça. Donc, je dis... En fait, il y a quelqu'un qui garde la maison de Michel. Putain, il joue bien. Donc la nuit passe. J'écoute le piano, qui commence à jouer des choses un peu plus modernes, des trucs pas mal. Quoi. Puis le piano s'arrête, puis il reprend. Et vers 3-4 heures du matin, donc c'est long, hein, le piano s'arrête, il n'y a plus rien. Et puis ça commence à devenir pesant. Je me dis, bon, c'est peut-être le moment d'aller se coucher. Le lendemain matin, j'entends du bruit. C'est mon associé qui me cherche partout. Et finalement, donc, je vais le retrouver. Il me dit, ça va? Je dis, oui, ça va, tout va bien. T'as pas eu peur? Je dis, non, mais non, il y a le copain de Magne qui a joué du piano toute la nuit. Copain de Magne? Quel copain de Magne? Ben non, c'est pas possible. Michel est parti à Saint-Paul-de-Vence. Je dis, oui, ben, il y a quelqu'un. Et donc, on y va. Là-bas, tout était fermé, bouclé, tout ça. Donc, il appelle Michel. Et Michel, qui évidemment lui dit, quoi, Thibaut, il a entendu le piano jouer toute la nuit? Mais c'est Chopin, c'est le fantôme de Chopin, je vous ai toujours dit qu'il y avait le fantôme de Chopin, etc. Et tout ça. Donc, on n'a jamais eu d'autre explication. Les débuts sont timides, mais peu à peu, fort de quelques innovations techniques, le studio d'enregistrement du château se refait une réputation. Les grandes stars françaises et anglaises reviennent. Une nuit de 1976, David Bowie se présente pour produire un album d'Iggy Pop. Brigitte, la secrétaire, m'appelle et me dit... On vient de recevoir un coup de téléphone de Corinne, qui est la secrétaire de David Bowie. Ils sont au Plaza Athénée. Ils demandent s'ils peuvent passer au château et même éventuellement rester. Je dis, mais oui, bien sûr, tu me tiens au courant. Je dis oui. Et vers 3h du matin, donc, je vois arriver dans le studio, j'attendais, donc David, suivi d'Iggy Pop, et David fait des roues dans le studio, comme ça. Et il dit à Jimmy, c'est le plus grand studio de rock'n'roll du monde. Et ils ont booké le château. Dans la vie, on l'appelle Jimmy, on ne l'appelle pas du tout Iggy. Et quand, quelques mois plus tard, ils viennent, et personne d'autre. Pas de musicien. David me dit, à partir du moment où tu travailles pour moi, tu es à moi. T'es à moi. Voilà. Et donc, tout ce que je fais, tout ce que je dis, tu le dis à personne. Mais toi, si tu dis des choses qui me plaisent, si tu fais des choses qui me plaisent, n'importe quoi, si tu joues des notes qui me plaisent, ou tu veux, c'est à moi. À partir du moment où on travaille ensemble, c'est à moi. C'est le deal. Si tu n'es pas d'accord, on fait pas ensemble. Si tu es d'accord, on travaille ensemble. Moi, il a dit oui. En plus, tu es vachement content. On va au studio et David me dit, bon, je vais te faire écouter 2-3 trucs. Donc, il me passe une cassette, un mini-cassette, et on écoute des trucs où c'était une sorte de piano très saturé, avec une voix derrière. Et là, donc, il essayait de reproduire avec son Baldwin qui passait dans le Marshall, ce qu'on avait entendu. Puis, au bout d'un moment, il disait « Répétition !» Répétition, voilà. Et après, il me faisait « Record !» Et là, j'enregistrais. Un jour, il me dit... Bon, eh ben écoute, je vais te laisser une heure. Une heure, ou une heure, ça ira. Là, je descends. Et ben, toi, tu me mets une basse là-dessus. Pardon ? T'es bassiste ? Oui. Bon, ben, tu prends ta basse et tu me mets une basse là, sur le morceau. Hein. Ça te va une heure ? Tu veux une heure et demie ? Ah non, une heure, tu prends une heure. Et hop, il s'en va. Je bosse sur un morceau qui était Chanaga. Et le lendemain, il me dit, une heure, basse. Et comme ça. Et j'en ai fait sept basses sur le disque. Et puis plus tard, il me dit, tu connaîtrais pas un batteur. Il me dit, je voudrais un bûcheron. Je voudrais un mec qui tape et qui joue comme ça. Pas une brute, il me dit, mais un mec, voilà. Boum. Alors moi, évidemment, je pense à Santange, le batteur de Stivell, qui correspondait à ça. Donc, j'appelle Michel et je lui dis, voilà, j'ai une séance pour toi au château. Et il me dit, c'est pour Paul McCartney. Ah, je dis, non, c'est pour David Bowie. Il me dit, d'accord, j'arrive. Le lendemain, nous, on travaille toujours avec David. Les hôtesses m'appellent et me disent, Michel est arrivé. Bon, bah, fais-le monter. Un quart d'heure se passe, une demi-heure se passe, et personne. Et David, il dit, arrête ton batteur. Je dis, je rappelle. Je dis, Michel, qu'est-ce qu'il fout ? Il vient de comprendre que c'était vraiment pour David Bowie. Du coup, il avait peur ? Mais oui, moi, il avait pris ça pour une blague. Donc, j'explique ça à David, qui rit pas, d'ailleurs. Il me dit, bon, bah, dis-lui de monter, quoi. Bon. Donc Michel arrive, comme ça, bonjour, tout ça. Et puis il y a David qui dit, allez, mets ta batterie, quoi, voilà. David est juste derrière avec son Baldwin, il dit, voilà, écoute. Et donc il met l'ampli et il joue son morceau. Il dit, voilà, tu peux jouer dessus, ok, dit Michel, d'accord. Donc il joue pendant une minute ou deux, quoi, là, tous les deux. Et donc, David entend Michel dans le casque. Moi, j'ai pas encore fait le son de la batterie, vraiment. Quoi. Je profite de là, moi, de faire le truc. Et David qui crie, ce que je voulais pas entendre, « Record !» Donc, je passe en rouge. Et il joue. Et après, il y a David qui revient, qui écoute. Alors quand David se met sur un fauteuil comme ça, il se met en tailleur, c'est-à-dire il replie les jambes sous lui et il est absolument droit, il a un maintien parfait, etc. Donc on écoute. Et Michel dit, ah d'accord, ah ouais, ah non, ah oui, ah là, là, ouais, là je pourrais faire un truc là. Ouais, pas mal le morceau, c'est pas mal, ouais, je pourrais faire ça, tout ça. Et David me dit, qu'est-ce qu'il dit ? Je dis, non, ça, il découvre le morceau, il pense qu'il peut mieux faire. Et David me regarde et puis il fait, next ! La prochaine. Et Michel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire vous en faites un autre. Quoi, on en fait un autre ? Mais j'ai rien fait, là. C'est quoi ? J'ai rien fait, là. Tu vas pas, si je joue avec Bowie, tu vas pas me laisser ça sur la bande, j'ai fait n'importe quoi. On y retourne, on fait 8 morceaux comme ça. On n'a jamais fait d'autres batteries à 40 ans. Bowie a gardé ses batteries très brutes. Les batteries qu'on a fait là sont les batteries qu'il y a sur le disque. Jana Girl a été inspirée par une histoire d'amour du chat faite au château. Je veux dire, et ça raconte l'histoire d'une amourette que Iggy a eue avec Quellan, la femme de Jacques Higelin, qui habitait là aussi. Dans la bergerie. Dans la bergerie, oui. Puis l'histoire de avec Quellan et Jimmy est très jolie, très tendre et très pure. Et Jimmy chantait sa chanson, et puis de temps en temps, il voulait attraper Quellan dans ses bras, parce qu'il avait un peu bu. Et Quellan lui disait chut, chut, chut. Et lui, il a improvisé, il a dit and she said me shh, shh, shh. Ce qui est dans la chanson. She said shh. Franck Ernoux, journaliste et auteur. Alors... Voilà, donc on est dans le Saint-Dessin, là, le studio. Comme on est dans des combles, en fait, il n'y a pas une surface parallèle. Il y a des pans coupés partout. Les poutres agissent comme des espèces de diffuseurs. Donc on a un son qui est équilibré, qui est diffus, qui est... C'est pas une cathédrale, quoi, du tout. Mais quand on met un micro et qu'on peut mettre une certaine distance, on récupère un son qui est agréable, quoi, qui est à la fois précis mais diffus. Donc c'est là qu'ils mettaient la console, les magnétophones, les enceintes, avec une vitre et un sonorisé pour qu'on ait vraiment d'un côté les musiciens, de l'autre côté les techniciens. Et donc c'est dans ce studio que se sont passés les plus grands enregistrements sur le piano de Michel Mayne, qui est toujours là aussi d'ailleurs. Un Steinway américain, je ne sais plus de quand il date celui-là. Et qui a joué là-dessus ? Ah ben, il y a bon, Elton John, bien sûr. Puis sinon, ben, Higelin, bien sûr, a joué sur celui-là. Pink Floyd, j'imagine, quand ils étaient là. Et puis tous les autres artistes qui ont eu besoin à un moment ou à un autre d'un piano. Donc il a récupéré un studio qui est d'un seul tenant, sur un axe, parc d'un côté, route de l'autre, avec la vue en plus sur l'église d'Hérouville, sur le côté. C'est très joli. L'église d'Hérouville qui est classée aussi. Je ne sais plus de quand elle date, celle-là. C'est là que Michel Mayne s'est marié, d'ailleurs, avec Marie-Claude, en 72. Et le grand escalier, alors ça c'est par contre ce qu'on voyait quand on arrivait à l'époque par l'entrée principale, pas l'entrée latérale qu'on a vue. Donc on a un bel escalier là, sur un plusieurs révolutions là, qui décernent jusqu'au premier palier. Ça, c'est un atelier qui est classé, qui est très très joli. Et c'est un endroit qui a une acoustique, il y a deux paliers, et c'est une acoustique vraiment remarquable. Enregistrer des voix, là, c'était super. Et il y a l'anecdote célèbre des Bee Gees, qui sont là et qui travaillent d'abord, et qu'ils ont enregistré au studio, mais ils ont aussi enregistré là. Et la femme de ménage du château, qui avait connu Michel Magne, qui était là depuis tout le temps, Perpétua, elle voyait des gens comme ça, elle était en train de faire son ménage, donc elle faisait le truc, là, elle venait de la cuisine, elle faisait tout, et elle montait l'escalier marche par marche. Puis à un moment, elle voit trois individus là, qui sont en train de chanter, s'exercer. Ça l'a pas du tout embêté, elle a commencé à laver autour d'eux. Donc vous imaginez les Bee Gees. Nous, on paye les 800 millions de dettes, on les paye intégralement en 8 ans, hein, on a tout payé, donc on est devenu propriétaire de la société, mais on n'est pas devenu propriétaire des murs. De sorte que quand, finalement, Michel a été mis en liquidation personnelle plus tard, les murs du château ont été vendus, c'est vendu aux enchères pour une bouchée de pain, mais c'est un promoteur immobilier qui a racheté ça. Finalement, il nous a expulsés, parce qu'on n'est pas... J'ai tenu bon jusqu'en 27 juillet 85, où j'étais expulsé. Aujourd'hui, des gens très courageux, dont Jean Taxi, ont racheté ce studio. Ils installent des studios, même si aujourd'hui, l'époque a complètement changé. Les gens ne viendraient plus comme passer 3 mois pour enregistrer un disque. Où est-ce qu'on est ici ? Nous sommes dans la régie B du château d'Hérouville, qui est une régie toute neuve. Jean Taxis et Thierry Guaracino, nouveaux propriétaires du château d'Hérouville. Je crois que ça faisait partie de l'appartement de Michel Magne. Nous sommes dans l'aile sud. Dans quel état vous l'avez trouvé, ce lieu ? Oula ! Très, très, très, très, très abîmé. Donc ça se voit peut-être pas trop, mais on a fait énormément de choses depuis 3 ans. C'était vraiment gros abandonné, chantier. C'était à l'abandon, négligé en fait. Depuis 1985, avec de temps en temps et quelques locataires dans une aile. Donc on avait un petit peu envie déjà de partir plus vers le marché de niche, entre guillemets, vers la structure un peu prestigieuse, haut de gamme. Et on a eu déjà envie, déjà par curiosité, de visiter le lieu et de voir si en 2015, parce qu'on a acheté en 2015, un studio mythique des années 70 était encore pertinent, entre guillemets, ou pas. Mais on a été étonné de voir le nombre de gens, des anglo-saxons plutôt, qui nous ont déjà contactés. Mmh. Certains pourraient faire des projets plutôt déjà sur de longue durée. On a un Américain qui souhaite venir un mois en septembre. En plus de cela, si l'activité du studio d'enregistrement, on ne souhaite pas faire que cela dans un endroit comme ici, je pense que c'est un endroit plus dédié à la création en général. On n'a qu'une envie, c'est de trouver des nouveaux concepts, un peu avec des rencontres entre eux. On avait un peu cette idée-là, même par rapport à des contenus audiovisuels éventuellement, des rencontres entre un musicien et un écrivain, ou on peut très bien imaginer un atelier de peinture dans le parc au beau jour. Mm-hmm. C'est un endroit qui peut être beaucoup plus qu'un studio d'enregistrement on aimerait bien, d'un point de vue technique. Excuse-moi, je te coupe. On aimerait bien, par exemple, faire une émission littéraire ici, filmée. Et Michel Magne, comment toute cette aventure finit pour lui ? Le monde est beau, le monde est gentil. Moi je trouve que les premières voix, il faudrait essayer de les mixer avec beaucoup plus d'égalité parce qu'on entend trop les ondes voix, on n'entend pas assez les premières voix. Alors on a l'impression que... Durant les années 70, Michel Magne compose essentiellement les musiques des films de Jean-Yann, mais ne retrouve pas son prestigieux statut. En 1977, il revient habiter à Paris, obsédé par de vieux démons, le château. À la suite d'une joute judiciaire entre Chamberlain et Magne, une grande partie de ses droits d'auteur est retenue à la source. En 1979, le château est vendu aux enchères. Son couple avec Marie-Claude vacille, et déprimé, Michel Magne est un temps hospitalisé. Un poil des secondes voix, des troisièmes voix, et il faut monter les partitions. Michel revient donc à Paris avec sa femme et son fils, Michael, et il s'est mis à rejouer. Il a fait la musique de trois films. Et Jean-Yann lui a dit à Michel, je suis en train de faire un film, tu vas faire la musique. C'était 2h moins le quart avant Jésus-Christ. Et un jour, Michel, il sort dans la rue, on était en train de coller les affiches de 2h moins le quart avant Jésus-Christ, et dans un coin, il voit Musique 2, c'était un copain de Michel que Jean-Yann avait été chercher à côté pour le payer moins, etc. Ça a été la rupture. France Inter. 1984. Le compositeur de musique Michel Magne a mis fin à ses jours en avalant des comprimés dans une chambre d'hôtel. À son chevet, on a découvert le livre Suicide, mode d'emploi. Marie-Claude Magne, 2012. J'ai vu des médicaments circuler, mais beaucoup. Tranxène, Temesta, Valium. Donc je lui posais des questions pour savoir pourquoi il prenait ceci, pourquoi il prenait cela. Alors c'était pour se réveiller, pour s'endormir, pour pas avoir d'angoisse. Donc... Et il avait un médecin, Bob Guillot, c'était un ami d'enfance, un ami d'ailleurs de Serge Moreau aussi. Bob, Serge et Michel étaient souvent ensemble. Qui lui donnait tout ce qu'il voulait, quoi. Tout ce qu'il voulait. Bon, il s'est pas du tout suicidé pour des questions d'argent. Et même, connaissant l'esprit de blague de Michel, sachant qu'il a laissé à côté de son lit le bouquin Suicide mode d'emploi, je me suis toujours demandé si c'était pas sa dernière blague. Si en fait... Il avait fait ça en pensant pas vraiment ou aller à Jacques Thaïs, quoi. On verra. Je meurs ou je meurs pas. Est-ce la peur de vieillir qui l'a finalement emporté ? Une névrose cachée par l'hyperactivité se serait-elle cristallisée dans le château d'Hérouville ? Les années passent, mais l'ombre de Magne plane toujours sur ce lieu singulier, qui devint son propre fantôme et le hanta jusqu'au bout. On n'est jamais complètement heureux, c'est pas possible, je crois pas. Les gens qui disent qu'ils sont tout le temps heureux, moi j'y crois pas. La vie est une lutte effrayante, une épreuve constante, c'est une dure épreuve, oui. Il faut mériter d'être heureux. Et ça, ça me paraît bien compliqué. Un jour, je quitterai tout. Un jour, je partirai seul, sans peine et pour presque rien. Pour un souffle de jeunesse. Un jour, je quitterai tout. Pour un instant de tendresse. Je quitterai tous mes biens, ma maison. Mes amis et mes chiens. C'était Les folles années du château d'Hérouville. Prise de son, Nicolas Mathias. Mixage, Guillaume Ledu. Archivina, Anne Brulant. Autre archive, Michel Magne fait son cinéma, Paul Lucas, Radio Campus Paris. Coordination, Christine Bernard. Réalisation, Lionel Quentin. Un documentaire de Philippe Roisès. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. Nous ferons du sport, mais c'est une autre histoire.